Comença a partir d'aquests moments i a la vostra sintonia una nova edició de l'espai que s'anomena Olala Music. Un espai dedicat a la música en francès, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Fini les romances, rien que du silence. Olala Music, en antena. Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició d'aquest al vostre espai. Això es diu Olala Music, el programa de música en francès que ens acompanya. Amb gent al programa d'avui, com per exemple qui ens acompanyarà, Sniper, de qui escoltarem alguna de les cançons que ens ha portat al llarg de la seva trajectòria artística amb el programa d'avui. És, per exemple, en temes com aquests que començarem el nostre espai. També en el qual tindrem un petit homenatge a la figura de Francis Lai, aquest compositor, pianista, compositor excepcional de bandes sonores, acordionista i cantant, que va néixer a Niça el 26 d'abril de 1932 i que va morir el 7 de novembre de 2018 a l'edat de 86 anys a París. Avui el recordarem també amb el nostre programa. Però comencem amb Sniper, un grup de rap francès format per els MCs Aketo, en Riot Selmy i el Tunisiano, en Bachir Bakur, i també amb el toaster Blaco, Cal Apela. C'est cette mentalité de tocard qui dans le pays sévit. Bien souvent, j'ai ressenti dans le regard des gens de la méfiance à mon égard, mis à l'écart et c'est vexant avec ça. Avec la paranoïa t'envahit. De quoi au fond de toi, la jour assommeille après ça. Tu deviens insociable, tout le temps tu te sens pris pour cible. Pas aimable et très susceptible, impossible d'instaurer un dialogue en plus pour en rajouter. Les médias nous cataloguent, nous salissent et nous déclarent santé. On montre toujours les mauvais côtés, dans les films c'est abusé. Pourquoi on nous fait passer, je suis médusé, faut pas pousser. Arracheur de sac à main, survêt de basket, casquette, mais dans le droit chemin. Ça me fait flipper quand j'y pense. Allez savoir qu'est-ce qui les pousse à nous mettre tous dans le même sac. Pourquoi quand je croise une vieille elle s'agrippe à son sac. Pourquoi quand je cherche un taf je vois les portes se fermer. Pourquoi on me traite de voleur alors que je n'ai encore rien volé. Est-ce mes baskets qui font ça? Je ne crois pas. Est-ce ma tête qui ne passe pas? Je ne sais pas. Y'a tant de questions auxquelles je ne peux pas répondre. Mais je ne vais pas rester là à me morfondre. Je les calcule pas. Rien à foutre des préjugés. Non je ne recule pas. Oui y'a que Dieu qui peut me juger. Je m'en fous qu'il m'aime pas. Ou qu'il se sente dérangé. Ici c'est aussi chez moi et crois-moi sur parole, je suis pas prêt de bouger. J'en ai catalogué. Catalogué, coupable à chaque fois. Mis à l'écart, fiché ou même monté du doigt. Présumé jeune et non.

merci, pour le moment j'ai aucune envie. Ils m'ont dit que j'étais un endormi et ils me l'ont reproché. Mais je leur ai dit que j'avais choisi de faire du rap dans la vie. Tunisiano qui cause, pose à grosse dose. Et si jamais t'as ta l'osmo, c'est que t'es tombé dans le panneau. Gratteur de maille, baiseur de stuff, insulteur de keuf, squatteur de teuf et amateur freestyle. Ouais, tu captes un peu, on se la raconte et on est tous tricards. C'est malheureux, mais on est condamné à une vie de smicard. Au départ, jamais perçu le rap comme une obligation. Révélation, un arc s'est vu être ma passion. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Sniper, route d'ingus, Nabus qui perd les pédales. Et adepte de cunilingus, tout lui fait mal à la tête. En plus, c'est un mangeur de smoule. Ouais, t'as vu, je suis le bougnoule avec la coupe à la youle. Rasé tranchant, affûté la rime, c'est mon penchant. C'est franchement pendant, en plus, on le fait en chantant. Chris, sauf qui peut, sniper, crois un petit peu qui font parler d'eux à chaque fois. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Je pose ma voix, réputation, bête de scène. T'entends des rimes obscènes, encore tout qui fait des siennes. Faire bouger les fessiers, c'est tout ce que j'aime. Sacré snipe, snipe, snipe, à la prochaine. On m'a dit variété sujet, ça sonne trop cliché banlieusard. J'ai dit sois pas trop déçu, j'ai pas fini avec mes histoires. Ils m'ont dit que c'était pas comme ça que je fais du genre. Je leur ai dit que j'avais choisi d'opérer à la barbare. Ghetto, bien qu'MC plus dans la place. Et en plus c'est pas des gâteaux vu le démon qui cherche à se faire une place. Donc on rend en place les imposteurs qui mangent à notre place. On prend en place parmi les meilleurs, bref la grande place. Faut que je me surpasse, bloqué sous pour moi de faire du surplace. À la surface, combien remonter j'ai su faire face à bien des galères au cours de ma vie de pouilleux. Même si ça en a pas l'air, dans mon vaitre je suis très pointilleux. T'as vu les faux cris taillot taillot, v'là le purse night. Des mecs qui mouillent le maillot, flot pétillant comme le champagne. Comment craint pas de faire péter à l'occasion. Tant qu'à faire, on va se mettre à l'aise. On fout le feu dans la pacasse. Comment ça gaz. Merci à la maison mère qu'on l'opère. Oui, la baraque de blé du père. J'en place une pour mes compères. Ouais, ouais, pour vous, un bon rap de salope. J'ai qui faire coopère. Nous, on vient distribuer des deux tas. Je dis que les gars du stade viennent tchatch. Faut donner le meilleur de toi, est-ce que tu le sais? Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Quan on te di és la cançó de Sniper que ens acompanyava amb el programa d'avui. D'aquesta manera hem tancat la presentació, el record d'aquest, el seu àlbum de debut. És el moment d'escoltar la música de Francis Lai. Boníssima, excepcional. Ens ha arribat al llarg dels anys i la veritat és que és preciosa, tant amb les seves composicions, que en recordarem algunes, interpretades per grans noms del món de la música, com també les seves composicions de bandes sonores. En recordem que aquest personatge doncs, va destacar amb la que escoltarem ara mateix, però també amb l'Oscar que va tenir per la trama de Love Story, va ser el 1970, però el 66 va ser nominat a l'Oscar per la millor banda sonora de la pel·lícula, que ara mateix ens recordarà l'Àngel Rodríguez, que també vol participar amb aquest especial. Àngel, endavant, sisplau. Hola, Rafael, què tal? Gràcies per haver-me convidat un cop més en el teu programa. Del compositor Francis Lai, mort el 2018, sempre m'ha agradat la que porta per nom de cançó Un homme et une femme, un hombre i una mujer, que va servir de banda sonora de la pel·lícula del mateix nom estrenada l'any 1966. Amb aquesta peça fou nominat a l'Oscar a la millor banda sonora aquell 1966. És aquella cançó que la recordem alguns com la de da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Ja veureu per què. L'escoltem, Francis Lai. Je me sens bien. Je t'aime. Viens près de moi. Je t'aime aussi. C'est vrai. Mm-hmm. Doncs en el que farem amb el programa d'avui és escoltar diverses de les cançons compostes per al nostre protagonista del programa d'avui, Francis Lai, que va néixer a Niça el 26 d'abril del 1932 i, com hem dit abans, al començament del nostre espai, moria a París el 7 de novembre de 2018. Compositor i músic francès, especialista en músiques de pel·lícules, de crèdits i de cançons, l'autor de la música, com acabem d'escoltar, de la pel·lícula Un home i una dona, i també de la història d'amor, la cèlebre història d'amor, el Love Story, per al qual va rebre l'Oscar a la millor banda sonora. Ens acaba d'informar d'això el company Àngel Rodríguez, a qui una vegada més agraïm la seva participació amb el nostre espai. Practicant una música popular d'acordió i de piano, Francis Lai es dona a conèixer en un principi com a compositor de cançons d'èxit. Compongué sovint sobre textos dels lletristes Pierre-André Doucet, Maglidea, Boris Berman, Luca Plandomont, Pierre Badou, Didier Barbelien i Catherine Desage, nombroses músiques per gent com Edith Piaf, Mireille Mathieu, Isabella Ouvret, Petula Clark, Dalida o Jacqueline Dulac, així com per diverses cantants quebequeses que també varen triomfar amb les seves cançons, com per exemple, l'escoltarem, a Nicole Martin. Una d'aquestes cançons, precisament, va ser composta per a la Nicole Martin, va ser a la tardor del 1977, i va compondre la música de la cançó Bonsoir Tristesse, sobre un text de Maglidea. La cançó es va convertir en un èxit immens tant al Japó com al Quebec, i va guanyar per al Canadà el premi de la millor cançó estrangera, el Yamaha Music Festival, que va tenir lloc el novembre del 1977. Aquesta és una de les cançons que també podríem escoltar amb el nostre programa d'avui, a través de la bona música que ens deixa aquest personatge, i l'escoltarem i la tindrem aquí al vostre costat, com sempre, a través d'aquest programa que es diu Olala Music. Abans, però, abans d'aquesta cançó, m'agradaria recordar una altra de les seves composicions. Va ser aquell fantàstic tema que Yves Montand va interpretar i que es deia La bicicleta. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette.

faite des métamorphoses. On devrait ressortir ensemble, à tout jamais débarrasser d'à peu près tout ce qui ressemble à toute notion du péché. Je m'adresse à toi que j'attends, celui pour qui j'aimerais tant. Aquesta és una altra de les cançons. Abans l'hem mencionat, que va interpretar aquest, que va compondre Francis Lai, que ens la va interpretar amb aquesta cançó que acabem d'escoltar, el genial Johnny Hallyday, i va ser una de les seves fantàstiques cançons, que es deia L'Aventura, i que acabem d'escoltar també a través del nostre programa des del 1972, L'Aventura és L'Aventura. Una mica també de música, però ara càrrec d'altres personatges, en Marie, Maria, Mariage, una cançó que també va compondre i que diversos artistes han interpretat al llarg del temps. Pablo Gilabert la va fer famosa també l'any 1992. Ay María Doncs acabarem el programa d'aquesta setmana a través de l'Ala Music i en tota la música que ens ha acompanyat a càrrec de Francis Saley, un excel·lent compositor, com heu pogut escoltar. Moltes d'aquestes cançons no són ni les més conegudes ni les més famoses, possiblement, però sí que he intentat triar una mica de cada un dels artistes que ens pot haver acompanyat aquest llarg d'anys que ha interpretat les seves cançons. Ens queden moltíssimes i potser algun dia, doncs, a poc anirem escoltant-les, algunes d'elles. Intentarem deixar-vos amb el bo i millor i amb el viure per viure. Dif Pobrif és el tema de la Nicole Croizel, que ens canta també en la composició d'en Francis Lay. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Serà fins una propera edició amb el nostre programa. I una vegada més, el meu francès no té res a veure, perquè el que importa aquí és la música. A reveure. L'habitude qui nous lie, c'est le corps du délit qui accuse ma vie. Le combat que nous menons dissimule son nom au nom de la raison. On se déchire, on se débat, si l'on voit en cela qu'on ne renonce pas. C'est vivre. Répond présent quand on sent le présent qui nous semble impatient. À chacun sa vérité, le présent, le passé, combien s'y retrouver. Mais si l'on garde le désir au moment de choisir, de plaquer l'avenir, c'est vivre pour vivre. J'ai le cœur et qui se prend. Il absorbe tes mensonges quand je plonge au fil de tes amours. Mais la vie reprend son cours dans le courant de mes jours. Mon cœur est si lave toujours quand je l'appelle au secours, au secours.